Enfants de tout pays, bonjour! Vous êtes bien sur Radio Pagette Nancy 94.2. Xavier à la technique, Daniel en votre compagnie, pour vous présenter Patchwork numéro 48 à l'écoute des musiques du monde. Et la programmation d'aujourd'hui vous propose un voyage aux Pays-Bas, trois coups de chapeau à Dave, une promenade autour du mot Moulin, et le tout étoilé de zouk effréné. Zouk, et bon, on commence par le zouk. Fruit d'un métissage guyanais, martiniquais et égyptien, la jeune artiste est née à Paris. Après avoir écumé les nombreuses scènes de l'Hexagone et les quatre coins de la planète, c'est en Martinique et au Bataclan de Paris que Nelly a fait sensation avec son propre show. Une Vénus de la musique, tu me manques, Nelly et Ellie Arma. Depuis que c'est terminé, je t'ai cherché. Tant d'autres hommes, mais aucun n'a pu me saisir comme je me suis saisie de toi. Nos personnes te ressemblent. Et on savait qu'il nous faudrait bien plus que des sentiments, tu le savais. Et tu me manques, manques, manques, et ça me manque, manque, manque. Imaginez devoir faire ma vie sans toi, c'est cliché, mais tu me manques, manques, manques, et ça me manque. Several Nino, let me climb you, let me show you my libido. What kind of bitch would both say love you? It's simple, it's real, I adore you. Keep it slow and fast, Nino, let me climb you, let me show you my libido. I'm falling in love, night to dawn, I'll make you love, baby boo. I love you, love you. Le royaume des Pays-Bas est un pays d'Europe frontalier de la Belgique et de l'Allemagne. Une population de 17 millions d'habitants, avec comme capitale Amsterdam, 850 000 habitants, Rotterdam, qui est le plus grand port d'Europe, 640 000, La Haye, 520 000, Utrecht, 340 000 habitants. La superficie est de 41 000 km² et le pays possède l'une des altitudes moyennes les plus faibles du monde. Un quart du territoire est situé sous le niveau de la mer du Nord et 18% de la superficie totale des Pays-Bas est couvert d'eau. Une longue tradition des tolérances sociales. Abolition de la peine de mort en 1870. Droit de vote des femmes en 1917. Et décriminalisation relativement totale de l'avortement, de la prostitution, de l'euthanasie et de certaines drogues. En 2001, le pays devient le premier pays au monde à rendre possible le mariage homosexuel. Les Pays-Bas figurent parmi les États les plus démocratiques et les moins corrompus du monde. Selon l'UNICEF, le pays est classé premier concernant le bonheur des enfants. Le vélo est un mode de transport très répandu et un certain nombre de grandes routes sont doublées non pas d'une piste cyclable, mais d'une véritable route spéciale de roues. Les autoroutes sont gratuites. La langue parlée est le néerlandais. 42% des Néerlandais se déclarent sans religion. Le taux de chômage est de 3,9% et le salaire moyen mensuel se situe à 2300 euros pour 40 heures de travail hebdomadaire. Bon, ça va être dur pour moi pour la prononciation des morceaux de musique, je vais faire l'impossible en tout cas. Zuvel Mooi Vrouwen Wilfried Bels. Sloeg mijn hart meteen op hol. Maar dat is lang geleden. Dit alles is voorbij. Die tijd is weggegleden. En je bent ook niet bij mij. Zoveel mooie vrouwen. Is er iemand van ik kan halen? Dat leek het helemaal. Ik wil altijd dicht bij jou zijn, want je bent mijn ideaal. Je bent nu met die ander, waarom moet dat zo zijn? Ik heb alles voor je over, maar je geloofde niet in mij. Nu nog aan je vragen. premier coup de chapeau à Dev. Le chanteur Dev, de son vrai nom Wouter Otto Levenbach, est né à Amsterdam et il a commencé sa carrière en 1963 et puis il a connu succès dans les années 70. Et son premier boulot d'été fut de fabriquer des pochettes plastiques destinées à protéger des albums 33 tours. Il était déjà dans la musique. À 16 ans, une crise mystique, il envisageait des études de théologie, mais enfin il entamait des études de droit. En 1965, passionné par la mer et les rivières, il quittait les Pays-Bas par les canaux et se rendait jusqu'à Marseille. Outre le néerlandais, il parle couramment le français, l'anglais, l'italien et l'allemand. Est-ce par hasard ? Dev. Est-ce par hasard si j'ai suivi l'étoile qui m'a conduit cette nuit jusqu'ici où tu te trouves aussi? Est-ce par hasard si j'ai croisé ton regard, pourrais-tu m'expliquer pourquoi ce soir va se jouer ma vie? Qui a guidé nos pas dans l'ombre? Mais qui a tout fait pour que l'on se rencontre? Si cette nuit une étoile brille au-dessus de nous comme un espoir, est-ce par hasard? Est-ce par hasard s'il a le cœur qui s'égare? Si ce n'est pas le hasard, c'est la chance, laissons-la nous sourire. Cet air ancien qui revient de si loin, du fond de ma mémoire. Qui nous a menés l'un vers l'autre? Surpris, on se découvre fait l'un pour l'autre. Est-ce par hasard si cette nuit une étoile brille au-dessus de nous comme un espoir? Est-ce par hasard? Promenade en chanson autour du mot moulin. Mais pourquoi pas moulin par rapport aux Pays-Bas? Ben oui, moulin des amours, tu tournes tes ailes. Au ciel des beaux jours, moulin des amours. La Goulue, Valentin le Désossé, Henri de Toulouse-Lautrec, mais aussi le souvenir de ce qui aurait dû être une superbe soirée et qui s'est transformé en un horrible cauchemar, n'espérant qu'une chose, la fin du spectacle le plus vite possible. J'avais 2 jours d'ancienneté dans une importante société quand j'assistais à la convention nationale de l'équipe de vente. Celle-ci se clôturait par un repas-spectacle au célèbre cabaret parisien Le Moulin Rouge. À peu près 1000 places, nous n'étions pas 1000, nous, la convention, mais il y avait du monde. Et on m'avait réservé un superbe accueil à la table de la direction, tout devant, contre la scène, vraiment contre la scène. Et au cours du repas, en attendant la revue follement, nous échangeions quelques propos convenus, et c'est alors que le directeur, sourire aux lèvres, me mit à l'aise. Ah, cher ami, vous êtes assis à la même place que notre ami Cordier l'année dernière. Et au cours du spectacle, les danseuses l'avaient fait monter sur la scène pour participer à leur show. Et il s'en était fort bien débrouillé. Alors là, mon sang ne fit qu'un tour. Moi qui ne sais pas mettre un pied devant l'autre, moi qui dans ma vie n'a dansé que la moitié d'un tango, j'allais me ridiculiser, c'est sûr, devant 1000 personnes et seulement 2 jours de boîte. Cauchemar, angoisse, terrorisé, à partir de cet instant, je n'ai plus qu'une hâte, que le spectacle s'achève le plus vite possible. Les numéros se succédèrent et Dieu merci, on ne fit appel à aucun spectateur, mais une soirée épuisante et complètement gâchée. Moulin Rouge, les compagnons de la chanson. Moulin des amours, tu tournes tes ailes au ciel des beaux jours. Moulin des amours, mon cœur a dansé sur tes ritournelles sans même y penser. Mon cœur a dansé. Ah mon Dieu, qu'ils étaient jolis, les yeux qui valsaient dans les miens. On s'aimait presque à la folie et cet amour te plaisait bien. Des mots qui chantait dans nos cœurs, et pourtant que m'est-il resté de tant de rêves de bonheur? Un simple moulin qui tourne ses ailes, un simple j'en peux plus. J'en rêve la nuit. Je vois sa bouche, ses yeux, son corps. Même son parfum m'envahit. Il me manque. Je suis à sa merci. Ah ben c'est un Zouk Love de 2014. Ça s'appelle Encore et Encore. Guy Hall, Saïk et Pompis. Give me all. Aucune porte de sortie. C'est comme si je tournais dans ses mains. Je ne réponds plus de rien. Je te veux encore. Je peux plus me passer de lui. Pour qu'il m'aime, je ferai n'importe quoi. J'en peux plus, j'entends plus la nuit. Je ferme les yeux, je le vois. Si je tombe, tant pis. Ça me détruit. Et cette envie me dévore. Même si j'ai tort, tant pis. Ça me poursuit. Je te veux encore et encore. Elle a la classe, le charme à me couper le son. Dans son regard, oh, je me noie et tous les problèmes se résout. Je leur ai dit tout bye bye. You will be my wife. Baby, I like un gros comme une drogue douce, douce, douce. Je veux plus m'en passer, comme si c'était hier. Je me rappelle quand tout a commencé. Tous les dons, je vois les fiers. En n'ayant pas le cœur enlacé, je vois tracer. Tous les bons souvenirs restent entassés. Dis-moi, y'en des mots et dis-moi qu'I love. Mais pas ni assez flow pour l'amour en love. Baby, même avec les défauts, nous encore plus fort. Nous qui continuons l'envie encore et encore. perfection dans les moindres détails. Je suis l'homme donc je fais le premier pas. Dans les terrains là au cas où vous ne pouvez pas. Je me lance, j'ouvre le débat. Quand soudain tu portes attention à mon égard. Woman, hello, mi amor, te quiero. Pas chercher beaucoup la ghetto parce qu'une Wanda Woman mérite un super héros. Si je tombe dans malgré ça, moi je peux pas te lâcher. Oh, tu te fais désirer. Je ne vois toi et moi, vas-y, sors de mes pensées. Oh, toi tu fais la fière. Regarde tout le sang qu'on perd. Malgré ça, je peux pas m'en lasser. Oh, je peux plus résister. Oh, oh, oh, oh, oh. Je peux plus me passer de lui. Pour qu'il m'aime, je ferai n'importe quoi. J'en peux plus, j'en dors plus la nuit. Je ferme les yeux, je le vois. Faire aux Pays-Bas. Bon, d'abord à Amsterdam, longer les grands canaux, se balader à vélo, s'arrêter dans un café brun, avaler une soupe au pois ou une bière de saison. S'éblouir des couleurs et des formes torturées nées de la palette du fabuleux Vincent Van Gogh au musée qui lui est consacré. Découvrir l'ancienne cachette d'Anne Frank pendant l'occupation nazie. Aller au cinéma Turzinski, un vrai bijou du palais Art déco. Se recueillir à la nouvelle église, lieu d'intronisation des reines et du couronnement de Willem Alexander. Flâner dans le quartier de Jordan, qui cultive une forme de marginalité émaillée de petits cafés et de marchés. Le musée Van Gogh et le riche muséum exposent les grands noms de la peinture hollandaise, Rembrandt, Vermeil et tous les autres. Aller s'encanailler au quartier rouge, avec ses ruelles étroites et ses dames déshabillées en vitrine. Par ailleurs, on ira s'attabler devant une abondante riche tafel. Apprécier le charme tranquille des quais le long des canaux de Delft, lever le nez à Rotterdam pour admirer les tours du nouveau Manhattan et au printemps à Kokonor parcourir les immenses champs de tulipes, narcisses et jacinthes qui forment une mosaïque de couleurs vives à perte de vue. Les 19 moulins du 18e siècle de Kinderjijk, Maastricht, la ville la plus ancienne du pays, et Marken, un village qui vit hors de son temps. Et Daglicht, Charel. Is zo kil, de stilte ondraaglijk. Ik had nooit verwacht dat ik jou zo missen zou. Sinds jij hier niet meer bent, tel ik de uren, de seconden. Tot de nacht weer voorbij is. Zo ontzettend zwaar. Het blijft besloten. Alles is nog zoals jij het achterliet die dag. Er hangt nog een jas van jou aan de kapstok. En een blouse die je liet vallen in je haast op de trap. Deuxième coup de chapeau à Dave. C'est en 1971 qu'il rencontra lors d'une soirée celui qui sera son parolier et futur compagnon, puis mari, Patrick Loiseau, et celui-ci lui écrira la plus grande partie de ses singles. Du côté de chez Swan, Dave. Que je ne suis plus. On sourit en revoyant sur les photos jaunies l'air un peu trop sûr de soi que l'on prend à 16 ans et que l'on fait de son mieux pour paraître plus vieux. J'irais bien refaire un tour du côté de chez Swan, revoir mon et se laisse t'embrasser sur la joue. Je ne voudrais pas refaire le chemin à l'envers, et pourtant je paierais cher pour revivre un seul instant le temps du bonheur à l'ombre d'une fille en fleurs. On oublie et puis un jour il suffit d'un parfum de matin, et l'on oublie l'avenir pour quelques souvenirs. Et je m'en vais faire un tour du côté de chez Swan, revoir mon premier amour qui me donnait rendez-vous sous le chêne et se laisse t'embrasser sur la joue. Je ne voudrais pas refaire le chemin. Chez Swan, devant mon premier amour, Dans le soleil et dans le vent, le vieux moulin, une chanson tragique composée et écrite par Michel Jourdan est sortie en 1969, le vieux moulin, Nana Mouskouri. Et j'ai déjà rentré le bois. Toi en uniforme, avec d'autres hommes, très loin d'ici, tu es parti, toi qui chantais dans le soleil. Tabatière me prouve bien que tu es loin, mais je crois entendre le refrain si tendre que l'an dernier, pour me bercer, tu me chantais dans le soleil. Stassi, une jeune artiste d'origine martiniquaise et guyanaise, et son premier titre zouk est Sans toi, Stassi. Pour commencer, bébé, je dois t'avouer, il est grand temps pour nous deux de tirer ce trait. Nous savions dès le début que c'était perdu d'avance. Tout en ne rime rien, il n'y a plus qu'à temps. Malgré tout, bébé, ça fait mal. Mais les bouts s'appellent en nous jouer franger. Ça marchera pas entre toi et moi. Libre-toi maintenant de faire ta vie en assumant tes choix. Moi je vais donner Que mange-t-on aux Pays-Bas, où il y a plein de spécialités gastronomiques à découvrir? On va commencer par les patates orlogues, ou frites de guerre. C'est un mélange de frites, de mayo, de sauce saté, c'est un condiment, d'oignon, ketchup ou curry. Puis il y a les puffers, sorte de mini pancakes en forme de soucoupe volante, recouverte de beurre et de sucre en poudre ou de chocolat. Et ça se déguste chaud, et surtout ça se mange sans faim. Les broads harangues, des petits sandwichs au hareng cru, avec des cornichons et des oignons. Les stamppot, c'est le plat traditionnel aux Pays-Bas, à base de purée de pommes de terre, accompagné de choucroute, de carottes et d'oignons, servi avec une bonne grosse saucisse bien grosse. Les bitterballens, mini bouchées panées de gouda, de nem ou de boulettes de bœuf au jus de viande et à la moutarde qui pique. Les bambiballens, boulettes frites de pâte orientale avec poireaux, choux, céleri, ail et nyokman indonésien. Vous savez, c'est une sauce qui... Oui. Les snert, une soupe de pois cassés, cuit avec de la viande, du lard, des saucisses et des petits légumes, servis avec du pain de seigle. La Hollande, l'autre pays du fromage, représenté par le gouda, le Geldenkaas, fromage de chèvre, le Leenbourg, le Kernheim, le Bloufort, ça c'est peut-être du bleu, et le Subenara et le Maasdam, ça c'est connu. Les crêpes au sirop, sirop de pomme, sirop de poire, le must c'est la crêpe, fromage, bacon et le fameux sirop, le mélange saté, sucré par excellence. Vous avez pris 2 kilos en nous écoutant? Tant pis pour vous. Ali Express, Gap Brother, Rossi. Daar is de Ali Express. Dingen, dingen, dong, dong, had ze vlas. Dingen voor een rampe kras. Yes! Daar is de Ali Express. Daar staat weer een cadeautje voor de deur. Iedereen die winkelt, gewoon gezellig thuis. Achter de pc. De hele dag de stad in, dat valt toch echt niet mee. Liever naar het café. is de AliExpress. Daar staat weer een cadeautje voor de deur. Horloge, schoenen, jassen, dat neemt hij voor je mee. Ver van overzee. Als er niemand thuis is, dan weet hij al genoeg. Komt hij naar de kroeg. Je moet soms weken wachten, dat is de moeite waard. Steeds een verrassing wanneer de deur wel gaat. Oh, oh, oh, yes, daar is de AliExpress. Dingen, dingen, dong, dong, hapse vlas, dingen voor abbekras. Yes, daar is de AliExpress. Daar staat weer een cadeautje voor de deur. Daar in het verre oosten, daar zijn ze de goedkoopste. Sinds Alibaba zijn toko. Troisième coup de chapeau à Dave. Le thème de l'homoparentalité en plein débat sur la procréation médicalement assistée. La chanson est écrite pour la plus jeune fille de Marc-Olivier Fogiel, Mila, dont il est le parrain. L'animateur a eu recours à la gestation pour autrui avec son mari pour devenir père de deux fillettes. Écrite par Patrick Loiseau, les paroles empruntent au « comme ils disent » de Charles Aznavour, quand le chanteur s'attaquait à l'homophobie. L'auteur y fustige également la sainte famille machin, qui croit savoir où est le mal et où est le bien, la fille ou deux papas d'Ève. Chaque jour elle s'éveille à la vie et elle voit tant d'amour autour d'elle. Qu'elle n'entend pas les voix de la rue qui proteste, qui appelle au combat, les slogans qui soulèvent un étrange débat sur le droit de vivre ou pas pour un enfant hors la loi, comme ils disent. Chaque jour elle avance dans la vie à grands pas et commence la danse des commandes et pourquoi. Elle apprend tous les gestes, elle découvre les mots, les élans de tendresse, tout nouveau et tout beau. Elle sourit, regardez-la, c'est la fille aux deux papas, comme ils disent. La petite fille de papa a bien compris comment et pourquoi elle est là. Elle a pas le mal de mer. Savoir où est le mal, où est le bien. Elle en a rien à faire. Au contraire, elle a tous ses repères. Chaque jour elle s'éveille à la vie et elle voit deux regards autour d'elle qui surveillent ses pas. L'un suit une larme quand elle lui tend les bras. L'autre vendrait son âme pour son rire aux éclats. Elle grandit, regardez-la, c'est la fille de papa, comme ils disent. La petite fille de papa a bien compris comment et pourquoi elle est là. Elle a pas le mal de mer, au contraire, dans son cœur. Regardez-la, la fille de papa. La petite fille de papa a bien compris comment et pourquoi elle est là. Il est tard, et dans le silence de la nuit, je n'arrive pas à trouver le sommeil. Un beau soir, l'avenir s'appelle le passé. C'est alors qu'on se retourne et qu'on voit sa jeunesse. Et moi, je n'ai rien oublié. Les Moulins de Mykonos, Alain Morissot. Dans le silence de la nuit, je n'arrive pas à trouver le sommeil. Je regarde, pour la centième fois peut-être, Mamma Mia, Abba. C'était notre chanson, et cette histoire, c'est notre histoire, tout simplement. Comme l'a écrit Aragon, un beau soir, l'avenir s'appelle le passé. C'est alors qu'on se retourne et qu'on voit sa jeunesse. Fait le bilan de sa vie et on se dit qu'on a raté quelque chose. Toi, tu resteras la plus belle histoire de ma vie. Et une voix au fond de moi me dit que notre histoire n'est peut-être pas vraiment finie. Le cœur battant, j'irai sur le port de Mykonos. Que ramener des Pays-Bas ou des amants de réfrigérateurs, notamment ceux représentant les maisons à pignon typique d'Amsterdam, boutique du fromage, boutique de gaufres, boutique de location de vélo. On peut ramener des sabots ou des pantoufles de sabots peintes ce sont de véritables œuvres artistiques. Du fromage, ben du gouda bien sûr, et puis un objet en faïence de Delphes, et son bleu de Delphes célèbre dans le monde entier. Un paquet de Stroopwafel, la pâtisserie hollandaise que vous apprécierez à votre retour chez vous. Et puis la tulipe, c'est un symbole néerlandais, et on peut évoquer la tulipomanie. La tulipomanie, c'est le nom déposé à ce qui est considéré comme la première bulle spéculative de l'histoire. Elle eut lieu au cours du XVIIe siècle en Hollande, et concernant les bulbes de tulipes qui prirent une valeur démesurée, allant jusqu'au prix d'un immeuble à Amsterdam. Lorsque le cours s'effondra, les faillites furent nombreuses et le pays plongea en récession. Bravo. Alors, on ne manquera pas de ramener un foulard, un motif de tulipe et des bulbes pour garder le souvenir. War is the paracetamol, les Brothers K. Welkom bij Droogisterij Het Zere Bolletje. Doe mij 10 bier en 2 paracetamol. Hoeveel? 10 bier en 2 paracetamol. Michel Legrand, qui nous a quittés le 26 janvier 2019, les Moulins de mon cœur, Frida Bocara. Comme une pierre que l'on jette dans l'eau vive d'un ruisseau et qui laisse derrière elle des milliers de ronds dans l'eau. Comme un manège de lune avec ses chevaux d'étoiles,